que soit chaque matin, ils arrêtent au Turbin, le cœur plein d'entrain. À l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu l'aimes tant ton duvet? Il est pas beau, il est mal fait. Mais elle gentiment répondait: c'est la grosse bidade du duvet. Je l'approche, la sucelle m'encule. Ah, les amis, vous dire que c'est bon. Quand tu me la cœur dans l'oignon, c'est pas une bite ordinaire. Quand tu me la fous dans le derrière, je me sens soudain toute remplie. Tu tues jusqu'au nombril, pas du tout. Ça devait arriver, ils se sont mariés, ils ont convolé. D'abord ça tourne à rond, il caresse à le menton, il flanque à l'aignon. À l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu ne fous pas ton vidile? Il t'a battu, il t'a ciré. Mais elle gentiment répondait: ce que j'aime en lui, c'est la grosse bidade du lune. Je l'approche, la suce, elle m'encule. Ah, les amis, vous dire que c'est bon. Quand il la garde, you